Troisième partie, chapitre premier. Le grand inn n'était ouvert que depuis quelques mois et déjà Adeline se demandait comment, pendant tant d'années, il avait pu vivre à Paris ailleurs que dans un cercle. Elles avaient été si longues pour lui, si vides, si mortellement ennuyeuses, les soirées qu'il passait à tourner dans son petit appartement de la rue Tronchet, où elle se promenait mélancoliquement, tout seul autour de la Madeleine, allant du boulevard à la gare Saint-Lazare et de la gare au boulevard, en gagnant ainsi l'heure de se coucher. Que de fois, en entendant les sifflets des locomotives, avait-il eu la tentation de monter l'escalier de la ligne de Rouen et de s'asseoir dans le wagon qui l'emmènerait jusqu'à Elbeuf. Il manquerait la séance du lendemain, et bien, tant pis, il se trouverait au moins parmi les siens. Il embrasserait sa fille à son réveil. Quelle joie dans la vieille maison de l'impasse du Glaïeul. Là était la liberté, la gaieté, le repos. Paris n'était qu'une prison, où il faisait son temps, et ce temps était si dur, si morne, que plus d'une fois, il avait pensé à se retirer de la politique, pour vivre tranquillement à Elbeuf, dans sa famille, avec ses amis, pendant la semaine surveillant sa fabrique, taillant ses rosiers du tuy le dimanche, heureux, l'esprit occupé, le cœur rempli, entouré, enveloppé d'affection et de tendresse, comme il avait besoin de l'être. Mais du jour où le grand I avait été ouvert, cette existence monotone du provincial perdu dans Paris avait changé. Plus de soirées vides, plus de dîners mélancoliques en tête-à-tête avec son verre, plus de déjeuners hâtés au hasard des courses et des rendez-vous d'affaires. Il avait un chez-lui, un nid chaud, capitonné, luxueux, joyeux, son cercle, où toutes les mains se tendaient pour serrer la sienne, où les sourires les plus engageants accueillaient son entrée, où il était, pour tous, Monsieur le Président. À sa table, qui ne ressemblait en rien à celle des restaurants médiocres qu'il avait jusque-là fréquentés avec la prudente économie d'un provincial, il était un vrai maître de maison. On l'écoutait, on le consultait, on le traitait avec une déférence dont les premiers jours il avait été un peu gêné, mais à laquelle il n'avait pas tardé à si bien s'habituer que ce n'était plus seulement pour les balais, empressés à lui prendre son pardessus et son chapeau, qu'il était Monsieur le Président, il l'était devenu pour lui-même, croyant à son titre, le prenant au sérieux, s'imaginant que c'était arrivé. Président, ne le fût-on que de la société des Bonderies, on est toujours Monsieur le Président, pour quelqu'un et conséquemment pour soi. Mais bien plus encore que les satisfactions de la vanité, celle de la camaraderie et de l'amitié l'avaient attaché à son cercle. En sortant de la chambre, il n'était plus seul sur le pavé de Paris, comme pendant si longtemps il l'avait été. Il ne s'arrêtait plus sur le pont de la Concorde pour regarder l'eau couler, en se demandant de quel côté il allait aller, à droite, à gauche, sans but, au hasard. Il était rare que maintenant il sortît seul de la chambre. Presque tous les soirs, Bunou l'accompagnait, chargé d'un portefeuille bourré de paperasse, et toujours régulièrement M. de Chalus, qui, mis à la porte par Raphaël, le jour même où elle n'avait plus besoin de lui, était heureux de trouver au cercle un bon dîner qui ne lui coûtait rien, le suif. D'autres collègues aussi se joignaient à eux quelquefois, invités par Adeline, ou bien s'invitant eux-mêmes, quand ils étaient en disposition de s'offrir un dîner meilleur et moins cher que dans n'importe quel restaurant. « Je vais dîner avec vous. » On partait en troupe, et par les Tuileries quand il faisait beau, par les arcades de la rue de Rivoli quand il pleuvait, on gagnait l'avenue de l'Opéra, en causant amicalement. Lorsqu'à travers les glaces de la porte à deux battants, le valet de service dans le vestibule avait vu qui arrivait, il se hâtait d'ouvrir en saluant en bas, et par le grand escalier décoré de fleurs en toute saison, Adeline faisait monter ses invités devant lui. Si quelqu'un, par différence d'âge ou pour autre raison, voulait lui céder le pas, il n'acceptait jamais. « Passez donc, je vous prie, je suis chez moi. » C'était chez lui qu'il recevait ses amis. C'était à lui les valets qui dans le hall s'empressaient autour de ses invités. À lui, ses vitraux chauds aux yeux, ses tableaux signés de noms célèbres. À vivre sous ses corniches dorées, à marcher sur ses tapis doux aux pieds, à s'engourdir dans des fauteuils savamment étudiés, à n'avoir qu'un signe à faire pour être compris et obéi, il s'était vite laissé gagner par le besoin de la vie facile et confortable qui exerce un attrait si puissant sur certains habitués des cercles qu'ils se trouvent mal à leur aise partout ailleurs que dans leur cercle. Et pour lui, cette attraction avait été d'autant plus envahissante qu'il avait toujours vécu au milieu d'une simplicité patriarcale. Point de tapis, point de vitraux à Elbeuf, et des domestiques qui ne comprenaient pas à demi-mot. Mais ce qu'il n'avait jamais eu à Elbeuf, et ce qu'il avait trouvé dans son cercle, c'était la conversation facile et légère de ces dîners, qui, en une heure, le prenaient la vie de Paris avec ses dessous, ses scandales, ses histoires amusantes ou tragiques, ses drôleries ou ses douleurs. Bien qu'habitué aux propos graves et lourds de la province, qui partent de rien pour arriver à rien, il aimait cependant la raillerie fine et le mot vif, et quand il avait à sa table, ce qui d'ailleurs arrivait souvent, des gens d'esprit à la langue aiguisée ou à la dent dure, aussi capables d'inventer ce qu'ils ne savaient point que de bien dire ce qu'ils répétaient, c'était pour lui un régal de les écouter. Un jour celui-ci, le lendemain celui-là, tous venaient lui donner leur représentation sans qu'il eût à se déranger. Il n'avait qu'à leur sourire, qu'à les applaudir, ce qu'il faisait du reste avec une amabilité pleine de bonhomie. Comme la nature l'avait doué de l'esprit de justice en même temps que d'une âme reconnaissante, il ne pouvait pas jouir de cette existence agréable sans se dire que c'était à Frédéric qu'il la devait. Parfait, le vicomte, il avait rencontré en lui le collaborateur le plus zélé en même temps que le plus discret, deux qualités qui ordinairement s'excluent l'une de l'autre. Bien qu'il surveillât tout, bien qu'il fît tout et ne quittât guère le cercle, jamais Frédéric ne se mettait en avant. Morin, qui veut toujours le titre de gérant, était, il est vrai, bien effacé. Mais ce qui importait Adeline, c'était que lui, président, ne le fût point. C'était que la gestion financière n'empiéta point sur la direction morale. Et après 10 mois d'exercice, il se sentait aussi maître de cette direction qu'au jour où, pour la première fois, il avait pris la présidence. Pour les admissions, lui et son comité étaient restés les maîtres absolus, et jamais le gérant n'avait essayé de leur faire admettre des membres douteux, comme il arrive dans tant de cercles, où le souci de faire marcher la partie passe avant tout. Et comme il devait arriver au grand I, le veton prédit charitablement en l'avertissant de se bien tenir de ce côté. Mais ces cercles avaient pour gérant un Morin, non un vicomte de Mussidan. D'autre part, jamais il ne lui était venu à lui ni à son comité des plaintes ou simplement des réclamations, tant la machine administrative fonctionnait avec régularité. C'était bien le cercle modèle dont le vicomte avait parlé dans leurs entretiens du soir sur les boulevards et que, grâce à la sévérité de sa surveillance, il avait pu réaliser. « Où diable a-t-il appris l'administration ?» demandait parfois Adeline en faisant son éloge aux membres du comité. À quoi M. de Chaluse, feignant d'ignorer les liens qui attachaient Raphaël à Frédéric et aussi la part que celui-ci avait prise à son expulsion, répondait qu'on ne fait bien que ce qu'on n'a pas appris à faire. Mais cette réponse, il l'accompagnait d'un sourire ailleurs qui démentait ses paroles. Venant de tout autre, ce sourire énigmatique eût inquiété Adeline. Chez M. de Chaluse, il n'avait aucune importance. C'était simplement la vengeance d'un battu. Et quand M. de Chaluse était absent, Adeline rit avec les autres membres du comité de cette petite traîtrise. Il n'en prend pas son parti, le comte. Dame, il y a de quoi. J'ignore si je m'abuse, mais il me semble que la place de M. de Chaluse, au lieu d'en vouloir au vicomte, je lui en saurais gré. Peut-être trouvez-vous que ce que je dis là a l'air d'une naïveté. Je vous affirme que c'est profond. Cependant, devant la persistance du sourire de M. de Chaluse, Adeline, par excès de conscience plutôt que par curiosité, avait voulu savoir ce qu'il cachait, mais inutilement. M. de Chaluse n'avait rien répondu aux questions les plus pressantes. Il n'avait rien voulu dire de plus que ce qu'il avait dit. Il ne savait rien de plus sur le compte de ce jeune homme que ce que tout le monde savait. Adeline eut eu le plus léger soupçon sur Frédéric qui l'eût cherché, au-delà de ses sourires et de ses propos vagues, mais comment pouvait-il en avoir quand chaque jour se renouvelait sous ses yeux la preuve que le grand-I était le modèle des cercles? On sait que l'été fait le vide dans les cercles comme dans les théâtres. Avec la chaleur, la vie mondaine de Paris s'endort. On est à Trouville, à Dieppe, en déplacement de sport ou de villégiature. Plus tard, on chasse, on ne va pas à son cercle, et plus ce cercle est d'un rang élevé, plus il est abandonné par ses membres. Cependant, tous ses membres ne restent pas sans venir à Paris pendant 5 ou 6 mois, et ceux qui n'y sont pas ramenés pour une raison quelconque de sentiment ou d'affaires le traversent en se rendant du nord dans le midi ou de l'est dans l'ouest. Où passer ses soirées? Au théâtre, ils sont fermés. À son cercle. La partie y est morte, faute de combattants. Ne pourrait-on pas en tailler une? Il y a longtemps qu'on n'a pas joué. Les doigts vous démangent. Si alors on entend parler d'un cercle où la partie a gardé un peu d'entrain, on y court. Qu'il soit de second ou de troisième ordre, qu'importe, puisqu'on n'y entre qu'en passant. Par deux parrains qui vous présentent et l'on s'assied à la table du baccarat. C'est ainsi que, pendant la belle saison, alors que les autres cercles chômaient, Adeline avait eu la satisfaction de voir venir aux Grandilles les membres les plus connus des grands cercles. Frédéric ne manquait pas d'en faire la remarque, sans y insister plus qu'il ne fallait d'ailleurs. « Vous voyez comment on vient à nous ?» Adeline était éblouie par les noms des ducs, des princes, des marquis qui défilaient sur les lèvres de son gérant. Et quand il allait à Elbeuf, il ne manquait pas de les répéter à sa femme. « Tu vois comment on vient chez nous. Nous sommes un centre, un terrain neutre, celui de la fusion, le trait d'union entre la France qui travaille et la France qui s'amuse, entre la bourgeoisie républicaine et le monde élégant. » Mais cela ne rassurait point Madame Adeline. Ce qu'elle voyait de plus clair, c'est que son mari venait moins souvent à Elbeuf. C'est que, quand il était chez lui, il ne se montrait plus aussi sensible qu'autrefois aux joies du foyer, rudoyant ses domestiques, boudant sa cuisine, blaguant son vieux mobilier qui, pour la première fois depuis 40 ans, lui semblait aussi peu confortable que ridicule.